témoin de ses cicatrices. Ses petits caprices, un terrain brut sur lequel le ticket glisse. J'suis pas le genre de cum à tout lâcher, à se décourager. Des coups de rager répercutent en écrit sur des bouts de pagés. Même par tous les moyens du bord, mon rap comme l'eau déborde. Aborde autant de sujets que le peuple à la télé absorbe. Ivrogne d'un truc qui coule à flot, prépare l'embargo. Conflit textuel n'est pas le genre de crew à mener en bateau. Attention mec, MC blindé d'interaction. Rap à ma façon, assurant un tas d'actions. Beaucoup se cassent la gueule ou vont droit dans le mur ou tracent la route seule. Et après 10 ans, annonce une fois perdu. Par ici qu'ils viennent, qu'ils passent du rap aux soirées parisiennes. Pourtant pas les siennes, et moi je grave ta frime et t'aimes à les cernes. Trop de scripts similaires, écrire c'est similaire. C'est le son qui stimulaire et pour un script similaire. C'est la part du gain. Une part de bien, mon rap t'attrape, mais c'est comme on battra. C'est la part du gain. Pas de faux discours, je sème la discorde, dis stop, vas-y cours. Rap et rester là, allongé comme une victime dans le coma. Le trauma, l'argent, voilà la fuite que je colmate. Alors de mauvaise humeur, comme un réveil calé trop tôt. Poto, le rap comme ici léger, qu'il tiendrait sans tréteau. De très haut, voilà ce que je vois, un rap médisant. Égoïste, énervant, qui satisfait au mieux les moins de 10 ans. Mais merde, redonne-moi mon rap, hardcore, sans prendre underground. Face puissante, comme un combat au corps à corps. Porte à porte, VRP, du RAP, de rap spécimen. Spécial mec, déroutant comme une fille qui se perce l'hymen. On peut dire que la plupart ont perdu leur chèque de caution. J'ai pas la leçon, mon ballon comme Medved, le check en action. Je veux un rap, un tel collectif, plus d'individuel. Face à face pour déclarer au cop son invité en duel. Le rap sous ma tutelle, attends l'aspect peur arrive. Si l'état est meurtrier, appelle-moi inspecteur Harry. Mon son est 900 bluff, gratos, sorti d'usine. Trop de bail et si peu de couilles que les rappeurs sortent leur usine. Usé, abusé, au final, cher auditeur, je vais vous annoncer qu'au fond, on s'est bien fait baiser. C'est la part du gain. Une part de bien, mon rap t'attrape, mais si comme on battra. C'est la part du gain. Pas de faux discours, je sème la discorde, dis stop, vas-y cours. C'est la part du gain. Une part de bien, mon rap t'attrape, mais si comme on battra. C'est la part du gain. Pas de faux discours, je sème la discorde, dis stop, vas-y cours. Voire même ridicule, sentir le recul quand je vous aurai en joue dans mon réticule. Me demande pas frère pourquoi j'ai commencé à rapper. 3 AP, vois-tu mon art au fil des ans à déraper. Dépasser beaucoup de sons, ne me donne pas de leçons. Mentir énormément le fond, moi tout est vrai jusqu'au fond. Mes sœurs, mes frères, pardon de m'être emporté. Trop d'empoté, de mauvais côté, le rap aurait déjà dû avorter.